Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Les errants de Gant de Heul, dans une des vec unc. Une, dau, tri, père, pem, huer, seis, eis, nau, dec, unc. Une, dau, tri, père, pem, huer, seis, eis, nau, dec, unc. Une, dau, tri, père, pem, huer, seis, eis, nau, dec, unc. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Les errants de l'art de Heul, des devait jours une. Lune, Ormers, Ormer, Iaou, Duenre, Rzarn, Arzul. Lune, Ormers, Ormer, Iaou, Duenre, Rzarn, Arzul. Lune, Ormers, Ormer, Iaou, Duenre, Rzarn, Arzul. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Les orantes de l'art de Heul, Ormis de Vejobla. Duenre. Ruir, Mers, Ebre, May, Even, Guir, Eust, Duengel, Her, Tu, Tirsu, Duendre, Ruir, Mers, Ebre, May, Even, Guir, Eust, Duengel, Her, Tu, Tirsu, Duendre, Ruir, Mers, Ebre, May, Even, Guir, Eust, Duengel, Her, Tu, Tirsu.